seven Vedas of enlightenment. Sati Sampo Jenga Dhamma Vujaya Sampo Jenga Viriya Sampo Jenga Piti Sampo Jenga Pasati Sampo Jenga Samadhi Sampo Jenga. The last one is Upekha Sampo Jenga. Seven Pujanga, seven Vedas of Enlightenment. I have already explained two Vedas, Sati Sampujanga and Dhamma Vijaya Sampujanga. Il y a sept facteurs d'illumination, sept Sampujanga. Le premier, c'est Sati Sambojanga. Le deuxième, Dhammavicaya Sambojanga. Le troisième, Viriya Sambojanga. Le quatrième, Piti Sambojanga. Le cinquième, Pasadi Sambojanga. Le sixième, Samadhi Sambojanga. Et le septième, Upekha Sambojanga. Nous avons déjà parlé des deux premiers, Sati et Dhammavicaya. L'attention et l'investigation du Dhamma. En toute logique, je devrais aujourd'hui vous parler du troisième, Viriya Sambojanga. Mais en fait, les yogis ont entendu à deux reprises un enseignement sur CD qui parlait de l'effort. Ils sont donc déjà au courant de ce troisième facteur d'illumination. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du quatrième, Piti Sambojanga. Piti, c'est la joie, le plaisir. Piti se traduit par joie, bonheur, plaisir. Cette piti n'apparaît pas automatiquement. Pour qu'elle apparaisse dans l'esprit, il faut que l'attention soit développée. Si notre attention n'est pas fermement activée, si notre esprit n'est pas stabilisé, piti n'apparaîtra pas. Au début, nous essayons de stabiliser notre esprit. Comment savoir si l'esprit est stabilisé ou non? Les instructions nous demandent de noter tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Mais nous pouvons constater que notre esprit refuse de rester sur l'objet. Il vagabonde partout. Il y a sans cesse des pensées, des imaginations. Nous nous voyons parler à quelqu'un mentalement, il y a toutes sortes de choses qui se manifestent dans notre esprit. Nous sommes ici, dans la salle de méditation, notre corps est ici, mais notre esprit vagabonde partout, dans le monde entier. Nous savons alors que notre esprit n'est pas stabilisé. Le Bouddha nous demande de faire un effort physique et mental pour noter sans interruption tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Nous allons donc mettre les instructions du Bouddha en application et petit à petit, notre attention va se renforcer. Notre esprit sera bientôt fixé sur l'objet dans l'instant présent. Il sera capable de rester collé à l'objet. Il sera également capable de pénétrer profondément dans les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Nous allons alors spontanément nous sentir joyeux, heureux, nous serons satisfaits, nous serons de bonne humeur au moment où nous notons attentivement le corps et l'esprit. Il y a deux sortes de bonheur, le bonheur mondain et le bonheur supramondain. Le bonheur mondain, c'est le bonheur qui est associé au plaisir sensuel. Pour obtenir ce bonheur, il ne faut pas s'entraîner. Il est naturellement en nous dès la naissance. Nous sommes heureux lorsque nous voyons des objets agréables. Nous sommes heureux lorsque nous entendons de jolis sons, lorsque nous sentons de bons parfums, lorsque nous avons des sensations tactiles agréables, lorsque nous mangeons des mets délicieux. Tout ceci, c'est donc le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. En pali, on parle de lokiya, du bonheur lokiya. La deuxième sorte de bonheur, le bonheur supramondain, en pali, le bonheur lokutara, ou le bonheur du Dhamma, C'est un bonheur qui n'est pas spontanément en nous. Nous devrons nous entraîner pour l'acquérir. Il faudra donc faire un effort. Il faudra être seul. En pali, on parle de ekayana. Et il ne faudra pas trop s'investir dans les affaires mondaines. C'est très difficile d'obtenir le bonheur du Dhamma, car il faudra fournir un effort, et comme vous le savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se retrouver dans un centre de méditation pour pratiquer pendant toute la journée. Ce n'est pas facile d'emmener son attention avec soi pendant toute la journée. Ce n'est pas facile de contrôler l'esprit. Nous devrons donc fournir un gros effort pour y arriver et pour entraîner notre esprit de façon à obtenir ce bonheur du Dhamma. Vous pratiquez de façon énergique et sans interruption, et tôt ou tard, vous réussissez à emmener votre attention partout avec vous pendant toute la journée. Vous disposez alors de la force de l'attention. Votre esprit est stabilisé. Et vous pouvez tout noter dans le corps et dans l'esprit. Vous notez les mouvements de soulèvement, d'abaissement de l'abdomen, la posture assise, les phases du pas au moment de la marche. Vous êtes capable de noter tous les états d'esprit. Et ceci est possible parce que vous disposez dorénavant de la force de l'attention. Vous allez alors vous sentir satisfait de votre pratique. Vous pourrez constater que votre esprit est devenu clair et pur. Le Bouddha compare les kilesas au feu. Et vous voyez qu'en ce moment, il n'y a pas de feu dans votre esprit. Les kilesas sont absentes. Votre esprit est devenu paisible. Vous êtes capable de noter de façon attentive tous les objets qui se manifestent à chaque instant. Et vous comprenez leur nature. Leur nature, c'est qu'ils apparaissent et disparaissent constamment. Vous comprenez la nature des phénomènes physiques. Au moment où vous observez le mouvement de soulèvement, vous voyez qu'il se termine, que le mouvement d'abaissement se termine également, la posture assise, le toucher, tout cela, tous ces phénomènes physiques se terminent constamment. Ils apparaissent et disparaissent. Vous êtes capable de voir ces apparitions et disparitions au niveau de l'esprit également. Vous constatez qu'il y a toutes sortes d'états d'esprit qui se succèdent en vous. Parfois, vous êtes joyeux. L'instant d'après, il se peut que vous soyez triste. Ensuite, peut-être inquiet, déprimé, orgueilleux. Vous serez parfois en colère. Tout cela, ce sont les états d'esprit, les états mentaux. Et vous êtes capable de voir qu'ils se succèdent à l'infini. Ils ne sont pas toujours en vous. Lorsque la joie est dans votre esprit, par exemple, vous notez joie, joie, et vous voyez qu'elle disparaît. Ensuite vient un autre état d'esprit, comme l'orgueil par exemple, l'inquiétude, la colère, la dépression. Tous ces états d'esprit n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Vous voyez les apparitions et disparitions, vous les expérimentez directement dans votre propre corps et dans votre propre esprit grâce au fait que votre esprit s'est stabilisé. Lorsque vous vous sentirez libre et de bonne humeur pendant la méditation, on peut dire que vous expérimentez piti. Votre esprit ne s'envole plus, il est stabilisé et vous êtes capable de tout noter à chaque instant très facilement. Dès que votre esprit s'envole, vous êtes capable de le voir à l'instant précis où il s'envole. Au début, même si on demande aux méditants de noter les pensées le plus rapidement possible, ce n'est pas possible. Le méditant, en général, se complaît dans les pensées et il y reste parfois pendant très longtemps. Il peut arriver qu'il reste dans les pensées pendant 45 minutes, 55 minutes. Il se complaît en fait dans le monde des plaisirs sensuels. Il n'entend peut-être pas de jolis sons, il ne voit pas de jolis objets. Mais en imagination, il peut vivre toutes sortes de plaisirs. Il peut par exemple se voir en tant que millionnaire, en tant que roi. Tout cela est possible en imagination et cela lui procure un certain plaisir. C'est pourquoi il se complaît dans les pensées. Mais après un certain temps de pratique, lorsque le méditant aura fait l'effort de développer son attention, il deviendra capable de noter tous les objets qui se manifestent à chaque instant de façon très précise. Dès qu'il y aura une pensée dans son esprit, il sera capable de la noter à l'instant précis où elle apparaît. C'est possible lorsque l'attention est devenue forte. Il est même possible, si le méditant est bien fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, de voir le moment où l'esprit est sur le point de s'envoler. Il note alors désir de penser et la pensée n'apparaît pas. Le méditant verra tout cela lorsque son esprit sera stabilisé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il dispose alors de la force de l'attention. Lorsque vous en serez arrivé là, que votre esprit restera fixé fermement sur l'objet dans l'instant présent, il est possible que vous ressentiez dans le corps des tremblements très fins qui ressemblent à de la chair de poule. Il est possible que les poils du corps se redressent. Il est possible d'expérimenter de la fraîcheur dans tout le corps. Vous continuez à noter attentivement tout ce qui se manifeste à chaque instant. Et vous allez donc expérimenter ces sensations de chair de poule. Vous aurez peut-être les poils du corps qui se redressent. Vous expérimenterez peut-être de la fraîcheur dans tout le corps. Vous allez expérimenter toutes sortes de sensations étranges que vous n'avez encore jamais expérimentées auparavant. Vous ne pouvez en fait expérimenter ce genre de choses que lorsque votre attention sera devenue très forte. Vous continuez à noter de façon très attentive et vous allez expérimenter ces sensations de chair de poule, de fraîcheur, de poils qui se redressent de plus en plus clairement et de plus en plus souvent. C'est Kudaka Piti. Cette sorte de joie va donc continuer à se manifester encore plus souvent. Vous allez continuer à noter et vous êtes heureux de le faire. Ce n'est pas comme au début de la pratique, lorsque souvent vous étiez lassé, vous vous ennuyiez pendant la méditation. Maintenant, vous êtes très heureux d'être assis là à tout noter et vous arrivez à tout noter très facilement. Vous vous sentez heureux, vous ne vous ennuyez plus. Vous êtes donc très heureux dans votre pratique, vous êtes heureux de tout noter, vous ne vous ennuyez plus. Et ce type de joie est appelé Kanika Piti, la joie momentanée. C'est donc une bonne humeur qui se manifeste au moment où vous pratiquez. Vous n'avez encore jamais expérimenté ce genre de choses. Vous vous sentez parfaitement heureux. Pour expérimenter ce bonheur, il faut obligatoirement pratiquer Vipassana de façon diligente. À ce stade, le yogi est capable de maintenir son attention très fermement sur les objets. Il dispose d'une énergie physique et mentale développée. Il peut maintenir la posture très droite et pendant très longtemps, elle ne s'affaisse pas. Sa respiration est complète lorsqu'il pratique en posture assise, ce qui génère l'air dans le corps. Il se sent parfaitement à l'aise. Il n'y a aucun inconfort, aucune sensation désagréable. Même s'il est assis à même le sol, sans coussin, il se sent parfaitement à l'aise. Parfois, il est possible qu'il sente son corps qui se met à flotter, à quelques centimètres au-dessus du sol. Parfois, il aura l'impression que son corps s'enfonce dans le sol. Tout ceci est possible à ce stade. Dans notre pratique, nous avons expérimenté les éléments, les quatre éléments dans le corps: l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air. Il faut savoir qu'il y a quatre sortes de feu, de tejo. Le premier, c'est Usama Tejo, c'est la chaleur qu'on ressent de façon générale dans le corps. Si cette première forme de feu était en équilibre à l'intérieur de nous, nous sommes en bonne santé. Mais s'il est en déséquilibre, cela veut dire que nous sommes malades. Il y a ensuite une sensation de chaleur brûlante dans le corps, c'est encore une autre sorte de feu. Il y a également le feu digestif, encore une autre forme de feu. Lorsque donc Cet élément feu est en équilibre, nous sommes en bonne santé. Et si nous sommes très attentifs, si notre attention est développée, que nous nous sentons bien, confortablement installés lorsque nous méditons, cette chaleur, ce feu va nous apparaître très clairement. Nous aurons l'impression d'avoir une couverture sur le corps. Vous verrez cette chaleur très clairement lorsque votre esprit sera devenu stable et vous serez capable de le maintenir fixé fermement sur les objets qui se manifestent à chaque instant. Parfois, le méditant pourra ressentir dans le corps une sensation de fraîcheur. Cela veut dire qu'il n'y a pas de feu à ce moment-là dans son corps, pas de brûlure. Il se sentira très à l'aise et paisible. Parfois, lorsqu'il pratique, il est possible qu'il ressente des mouvements au niveau des lèvres, des bras, des membres. Il ressent ces tremblements et se sent heureux, de bonne humeur. Lorsque donc le méditant se sent très heureux dans la méditation, qu'il expérimente ces tremblements, cette bonne humeur au niveau de l'esprit, il expérimente encore un autre type de joie qu'on appelle okantika piti, qu'on pourrait traduire par joie déferlante. Il a l'impression de flotter à la surface de l'eau, qu'il est sur une vague. Et il y a enfin un autre type de joie, encore plus fort, qui est la joie exubérante. Parfois, en posture assise, vous aurez l'impression que votre corps flotte dans l'air. Et lorsque vous pratiquez la marche de façon attentive, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de contact avec le sol, que vous glissez au-dessus du sol. Si votre esprit est très concentré, vous pourrez expérimenter ces choses. Au début, lorsque vous notez lever, avancer, abaisser le pied, vous devez faire preuve d'une certaine énergie physique pour lever ce pied, pour l'avancer. Au moment où il s'abaisse, il y a moins d'efforts à faire puisqu'il s'abaisse tout seul. Mais lorsque l'esprit qui note sera devenu puissant, vous ne devrez plus fournir tant d'efforts ni pour lever le pied, ni pour l'avancer. Vous aurez même l'impression que votre pied part tout seul. Vous n'avez même plus le temps de voir le mouvement. Lorsque vous observez, le pied est déjà arrivé. Cela va très vite. Au début donc, vous devez fournir un certain effort, mais maintenant, la situation a changé. Le mouvement est devenu extrêmement rapide et vous n'êtes même pas en mesure de le voir. Donc, au début, vous deviez fournir un certain effort pour observer ces phases du pas et ces mouvements se produisaient lentement. Mais maintenant, tout va beaucoup plus vite. Votre pied part très rapidement. Vous ne le voyez même pas. Vous ne réussissez plus à contrôler ce mouvement. Il part tout seul de lui-même. Vous expérimentez alors ubega piti, cette joie, le transport joyeux. Pour illustrer cette ubega piti, cette joie qui permet donc de soulever les êtres dans l'air, selon les commentaires, il y a une histoire qui se passait du temps du Bouddha au Sri Lanka. Il y avait au sommet d'une colline une pagode, une setia, et tous les ans, il y avait un festival au sommet de cette colline. Une famille décide de se rendre à la fête et dans la famille, il y avait une jeune femme sur le point d'accoucher. Les parents décident donc de se rendre au sommet de la colline pour assister à la fête et ils disent à leur fille qui était sur le point d'accoucher qu'étant donné son état, elle ne devait pas se rendre à la fête, elle devait rester à la maison. Les parents se mirent donc en route pour la pagode et la jeune femme restait à la maison. De loin, elle pouvait voir les lumières, elle pouvait entendre les chants des moines qui psalmodiaient les écritures, et tout cela fit surgir en elle ubega piti. Elle se sentit des frissons joyeux. Elle avait en même temps beaucoup de dévotion pour le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. sa joie était telle qu'elle fut soulevée dans les airs. Ainsi, elle arriva à la pagode avant ses parents. Lorsque ses parents la virent à la pagode, ils lui demandèrent « Mais que fais-tu ici? Nous t'avions dit de rester à la maison. Comment es-tu arrivée ?» Elle leur expliqua alors qu'elle était venue par les airs. Elle était prise par Ubega Piti. Parfois, vous expérimenterez encore un autre type de joie appelée Pahana Piti. C'est la joie qui se répand dans le corps tout entier. Le méditant a réussi à développer son attention, son esprit est devenu très ferme. Il est capable de rester fixé fermement sur les objets, quels qu'ils soient. Le méditant est capable de tout noter dans le corps et dans l'esprit. Il voit tous ces objets qui apparaissent et disparaissent. Il voit tout cela très clairement. Son esprit est alors très pur. Il n'y a aucun feu dans son esprit. Son corps et son esprit se sentent parfaitement à l'aise. Et ceci se répand jusqu'à tous les contacts sensoriels qui deviennent tous très clairs et très paisibles. Si vous disposez de la force de l'attention, vous pourrez expérimenter cette Pahana Piti, cette joie qui se répand dans le corps tout entier. Parfois, les yogis expliquent qu'ils ont eu des moments où leur vision était particulièrement claire. Ils pouvaient entendre des sons très subtils et très clairement. En posture assise, ils sont parfois capables de sentir des odeurs très agréables, alors qu'en fait, rien ne serait là pour provoquer cette odeur très agréable. Parfois, ils ont également la langue qui est devenue très sensible et capable de percevoir des goûts très fins. Tout ceci, c'est le signe qu'ils ont ce type de piti en eux. Si vous n'avez pas encore expérimenté tous ces types de joie, ne vous en faites pas. Ne recherchez pas ces choses. Essayez tout simplement de développer votre attention au maximum. Lorsqu'elle sera devenue forte, vous allez expérimenter ces choses. Parfois, le yogi a expérimenté ces choses d'une certaine façon, mais ne pense pas à l'expliquer à l'entretien. Car à l'entretien, on demande au yogi de parler surtout des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais un yogi qui a vraiment expérimenté ces choses va en le faire savoir d'une façon ou d'une autre, même s'il n'en est pas vraiment conscient. Il ne faut pas chercher à tester sa pratique et à la comparer avec ce que l'on a entendu au moment de l'enseignement sur le Dhamma. Il faut simplement développer l'attention et comprendre directement par soi-même, sans faire ce détour théorique. Si vous pratiquez de façon diligente, si vous pratiquez le souvenir des attributs du Bouddha, si vous pratiquez le souvenir des attributs du Dhamma, si vous pratiquez le souvenir des attributs de la Sangha, si vous réfléchissez à vos préceptes moraux qui ont été maintenus purs, si vous réfléchissez aux actes de générosité que vous avez faits dans le passé, vous allez tôt ou tard expérimenter cette joie. Tout cela va vous aider à faire surgir cette joie en vous. Vous pouvez également pratiquer le souvenir des déités. Les déités, ce sont les devas et les devis dans le monde bouddhiste. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de dieu. Ces personnes, ces êtres sont devenus des devas et des devis tout simplement à cause des actions positives qu'ils ont développées au cours de leur existence. Vous devez réfléchir au fait que si vous également vous faites des actions positives, par exemple, vous respectez les préceptes moraux, vous pratiquez la générosité, vous pratiquez la méditation, tout cela, ce sont des actions positives qui vont finalement faire en sorte que la joie se manifeste en vous. Vous pouvez également réfléchir au fait qu'il est bon d'éviter la compagnie de personnes rudes, inattentives, qu'il est bon de rechercher la compagnie de personnes raffinées. Vous devez également réfléchir aux enseignements qui font surgir la confiance. Toutes ces réflexions vont nous aider à faire surgir en nous piti, la joie. association associating with the gender people, we find in their action this kind of person have to associate. Then reflecting on discourses which inspire confidence, such as Dhamma talk about meditation. This also should reflect. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.